franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'une des catastrophes civiles les plus meurtrières du XXe siècle en France, l'effondrement du barrage de Malpassé en 1959 dans le Var. Dans la soirée du 2 décembre, le barrage en voûte, symbole de l'ingéniosité française, inauguré 5 ans plus tôt, se fracture. 50 millions de mètres cubes d'eau se déversent avec fracas dans la vallée du Reyran. Une vague de 40 mètres de haut déferle à plus de 70 km/h, détruisant tout sur son passage. En 20 minutes, elle touche la ville de Fréjus. Une heure plus tard, elle termine sa course dévastatrice dans la Méditerranée. Le torrent ne laisse derrière lui qu'un paysage de boue et de désolation. Dans son sillage, cette vague meurtrière emporte 423 personnes. Chaque année, le soir du 2 décembre à Fréjus, on honore encore leur mémoire. Des pays du monde entier à l'époque s'en font l'écho, entraînant un formidable élan de solidarité en faveur des victimes. Malgré tout cela, une question empoisonne les débats. Qui est responsable? Qui est coupable? Le concepteur du barrage? L'ingénieur haut fonctionnaire chargé de la surveillance de l'ouvrage? D'autres pistes, plus obscures, qui pourraient déranger le pouvoir en place? Ou plus cruellement, n'est-ce pas simplement la faute de la nature, un coup tragique, du mauvais sort? Les familles de victimes auront du mal à accepter cette dernière hypothèse. Désigner un coupable ne fera pas revenir les morts, mais les sinistrés réclament justice. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Jean-Paul Vieux, ancien journaliste à Nice Matin, en poste à Fréjus au moment de la catastrophe. Il nous attend dans les studios de France Bleu Azur, à Nice. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Justin Morin avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Maxime Ingrand. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1959, la nuit est tombée sur Fréjus, l'air est glacial, humide. Depuis 2 semaines, des pluies diluviennes s'abattent sur le Var. Vers 19h30, comme tous les soirs, André Ferraud, le gardien du barrage de Malpassé, situé à quelques kilomètres au nord-est de la ville, effectue sa ronde près de l'édifice pour vérifier que tout va bien. C'est vrai, depuis quelque temps, l'enfant du pays s'inquiète. Avec ce déluge, l'eau ne cesse de monter. Son niveau n'est plus qu'à quelques mètres de la crête du barrage, à près de 60 mètres de hauteur. Et puis, il a remarqué des déformations de la voûte. En bon gardien, André Ferraud l'a signalé, mais les ingénieurs l'ont vite rassuré. Non, non, ces mouvements prouvent le comportement élastique et satisfaisant du béton. Bon, très bien. Les trompes d'eau remplissent le bassin. C'est la première fois depuis l'inauguration en grande pompe du barrage, il y a 5 ans, en 1954. Quelques heures avant la ronde des gardiens, les vannes ont enfin été ouvertes. Rien de choquant, même si l'ordre a tardé à venir. Ainsi, ce soir du 2 décembre 1959, André Ferraud ne remarque rien d'anormal. Il décide donc de rentrer chez lui. Il est précisément 21h14 quand il pousse la porte de sa maison, située un peu plus bas, dans la vallée du Reyran. Je suis là chez moi pour prendre mon thermos de café et mon pull-over. C'est à ce moment-là que j'ai senti des vibrations, des secousses, des tremblements de terre, il faut le dire. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je me suis vite retourné dans le couloir et pour prendre mon gosse, j'ai crié de suite à ma femme, « Sauve-toi, dépêche-toi, sors, c'est le barrage qui a cassé. » Quand j'ai vu moi ce que j'ai fait pour me sauver, j'ai pensé les gens qui étaient dans la vallée. C'était terrible, quoi. Les gens dans la vallée, effectivement, ils sont nombreux à avoir entendu un craquement dans la nuit. Mais les 13 500 habitants de Fréjus ne se doutent pas que le barrage vient de céder. Ils ne se doutent pas que 50 millions de mètres cubes d'eau viennent d'être lâchés dans leur direction. La vague déferle à plus de 70 km/h. Dans la Pompéi provençale, connue pour ses nombreux vestiges romains, il n'y a pas un chat dans la rue. On s'est réfugié au chaud, près du feu. Les familles sont installées confortablement devant la télé. On regarde la piste aux étoiles, on rigole devant les clowneries des avatars. Mais 21 minutes après la rupture du barrage, à 21h35, les écrans se coupent. et la ville plonge dans le noir. Le transformateur EDF vient d'être touché par la vague. Madame Sorbier, une habitante de Fréjus, est encore à table avec ses enfants quand le cauchemar commence. Tout d'un coup, la lumière s'est éteinte. Une fois, deux fois, la troisième, plus rien, plus de lumière. Tout d'un coup, mon fils dit, mais il y a un ouragan, il ouvre la fenêtre. Tout d'un coup, je vois l'eau qui était jusqu'au premier, qui bouillonnait. J'étais folle, les gens qui criaient, Madame Sorbier, Madame Sorbier, vite, tout le monde se rentrait chez moi. J'ai dit, montons dans le grenier, ne restons pas là, montons dans le grenier, l'eau nous atteindra peut-être moins vite. Mes fils ont eu la présence d'esprit de tenir la porte qui s'ouvrait et où rentrait de la boue de toutes sortes. La maison tremblait de tous les côtés et nous sommes restés dans le grenier. Toute la nuit, 10 heures de temps à entendre et sentir bouger le moulin. Mon fils me criait de loin, « Maman, maman, tenez bon, maman, courage, t'as déjà eu tant de courage, t'as jamais avoir encore. Oh. » La vague, d'une violence inouïe, détruit tout sur son passage. Les arbres sont déracinés, les façades des maisons coupées en deux. Les voitures sont emportées dans les courants de boue, comme en temps de frêles esquifs. Les rochers de béton charriés par les torrents sont dévastateurs. Les habitants réagissent comme ils peuvent. Certains sont piégés dans leur sommeil, d'autres réussissent à se réfugier sur leur toit et doivent supporter impuissants les cris qui s'échappent de la ville. Il n'y a rien à faire, à part attendre. Attendre et espérer que les murs résistent. L'autorail Marseille-Nice qui longe la côte est à son tour submergé. Au bord de la mer, les hangars de la base aéronavale sont balayés. La vague termine sa course destructrice dans la Méditerranée. En 7 minutes, l'eau a ravagé une grande partie de la cité. Seule la vieille ville, située sur une colline, est épargnée. Il est 22h, le tocsin sonne, l'alerte est donnée. Les premiers secours se déploient dans l'obscurité, Fréjus est coupé du monde. Il faut attendre le lendemain matin pour constater l'étendue des dégâts. Valse incessante de camions de pompiers, les secouristes s'affairent depuis le début de la nuit pour tenter de sauver les survivants. Certains corps ont déjà été transportés à la morgue, d'autres gisent encore dans la boue. Une quinzaine d'années après la fin de la guerre, le souvenir des villes bombardées revient en mémoire. Dans le reste du pays, comme chaque matin, on se réveille pour aller travailler. Mais déjà, la radio diffuse en boucle les messages à l'intention des familles. Il s'est passé quelque chose, oui, quelque chose de grave. Aux familles Leroux, Borgès, Beurier, Perrault, de Fréjus, toutes familles en bonne santé. À Morazani, maître bottier en Algérie, belle-sœur et 3 enfants disparus. À Gonzalès, Yvon, à Nice, maman, Huguette, Marie-France et Jean-Marc disparus. À Madame Martin et Monsieur Martin, militaire en Algérie, message. 3 enfants disparus. Les informations remontent à la radio au compte-gouttes. Et l'angoisse s'empare des proches. Plus les heures passent et plus le bilan humain s'alourdit. Officiellement, il y a déjà plus d'une centaine de morts. Les secours déployés par la ville sont dérisoires. L'armée n'est pas trop pour rechercher d'éventuels survivants. Image surréaliste. Une camionnette est en suspension, accrochée dans les branches d'un arbre qui n'a pas rompu. Une baignoire vide ondule à la surface de l'eau et se laisse bercer par le courant. Dans les campagnes alentour, il ne reste rien. Des champs de vignes et de pêche, fierté du pays, il n'y a plus qu'un paysage lunaire. Les routes sont délabrées, la ligne SNCF est coupée. Les secours n'ont d'autre choix que de s'organiser sur place. Les familles qui errent dans les rues hébétées sont relogées d'urgence dans les hôtels ou dans l'école. Une dizaine d'hélicoptères survolent la ville pour apporter de l'eau et du pain. 24 heures après la catastrophe, l'électricité est toujours coupée. Une fois le soleil couché, la ville replonge dans l'obscurité. Le silence est revenu, chacun pleure un membre de sa famille, un ami, défunt. Le 4 décembre, 2 jours après la catastrophe, les premiers envoyés spéciaux arrivent sur place et découvrent avec stupeur la tragédie en train de se jouer. Il faut enterrer les morts pour éviter les épidémies. Sur la place de Fréjus, une foule de 4000 personnes se recueille devant l'église pour rendre hommage aux 104 premières victimes identifiées. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. Fréjus. En face de moi, une simple croix de bois et au fond, deux bennes excavatrices qui viennent de terminer de creuser les tombes. Voici un camion militaire transportant des cercueils qui avance très lentement et qui va faire son entrée dans le lieu de repos. Et tout ceci se passe toujours avec ce mistral glacial qui aujourd'hui semble envahir Fréjus comme exprès. Les assistants s'inclineront une dernière fois et en ce jour tragique pour veiller les morts, il ne restera plus que ce vent implacable que vous entendez claquer dans le micro. Symbole de cette cérémonie de deuil, celle que la presse surnomme déjà la veuve de Fréjus. Le mariage d'Irène Jobard, 18 ans, avec André Capra, 22 ans, était prévu le 9 décembre 1959, soit une semaine après l'effondrement du barrage de Malpassé. Son futur mari est mort en sauvant sa propre mère. Pour autant, la jeune femme tient à se marier légalement avec son amour de jeunesse. Alors, elle écrit au procureur de la République afin d'obtenir une dérogation à la loi sur le mariage posthume. Car les textes sont clairs, cette disposition n'est possible qu'en cas de décès sur le champ de bataille. Or ici, tout y ressemble, même si la guerre est finie depuis bien longtemps. Mêlés à la population, les journalistes, eux, tentent de décrire ce désespoir. La question n'est pas encore de savoir pourquoi ni comment le barrage s'est effondré. Non, l'heure est à l'empathie. Épreuve, s'il en faut encore une, de la violence de la catastrophe, même ceux qui en ont vu d'autres, comme on dit, ne sont pas épargnés par le choc du jour d'après. Témoignage rare, celui de Philippe Diollet, écrivain et journaliste à la Radio Nationale, qui décide de partager cet aveu d'impuissance. Midi Actualité. Je voudrais vous faire une confidence. Hier, toute la matinée, professionnellement, j'ai été obligé de manier, de scruter, de regarder à la loupe les premières photos de Fréjus. C'étaient des photos qui montraient des âmes ravagées, des douleurs prises sur le vif, des instantanées de la douleur et de la souffrance humaine. C'étaient des femmes plaquées sur des cercueils où des noms étaient écrits à la craie. C'étaient des hommes, tout à coup, dont les nerfs venaient à céder. C'étaient des enfants, surtout, d'innombrables enfants dans leurs cercueils, des enfants alignés dans la mort. Eh bien, nous étions 5 ou 6 au moins, des chevronnés de la presse, et à la fin de la matinée, nous n'osions plus nous regarder. De crainte de laisser voir une émotion trop grande, les journalistes, bien sûr, ont leur pudeur, mais devant une telle douleur humaine, ils ont bien le droit de laisser voir qu'ils ne sont pas seulement des témoins, mais des hommes qui s'émeuvent comme les autres. Le 5 décembre, 3 jours après l'effondrement du barrage de Malpassé, la politique entre en scène. Pierre Châtenay, le ministre de l'Intérieur et 4 autres membres du gouvernement sont à Fréjus. Au chevet des blessés, dans les quartiers détruits, auprès du maire de la ville, André Léotard, le père de l'acteur Philippe, le père de l'homme politique François. Le soir, à l'Élysée, le général de Gaulle écoute leur compte-rendu. Ce conseil de Fréjus accouche d'une 10aine de mesures d'urgence. D'abord, l'État débloque de l'argent, puis lance une campagne de vaccination contre la typhoïde. Des maisons en préfabriqué arriveront ici dans quelques jours pour loger les sinistrés, le temps de la reconstruction. Le même jour, le tribunal de Draguignan ouvre une enquête contre X pour homicide et blessures involontaires. Lentement, on bascule de l'émotion aux décisions. Une manière de répondre à la colère et aux questions que commencent à se poser les habitants. Pourquoi ce drame? La faute à qui? Bref. Il va falloir trouver un coupable. Pour cela, le gouvernement de Michel Debré nomme dans l'urgence une première commission d'experts. Son but, tenter d'établir au plus vite les causes de l'effondrement du barrage. Le collège de géologues débute rapidement ses investigations. Sur place, il interroge les premiers témoins, dont le gardien du barrage, André Ferraud. Les membres de cette commission se rendent sur le site de Malpassé pour constater les cassures de l'édifice et prélever la roche sur laquelle s'appuie l'ouvrage. Un point retient particulièrement leur attention, il n'y a pas de brèche. Le barrage ne s'est donc pas fissuré, il est parti d'un bloc. À Fréjus, parmi les habitants, des hypothèses commencent à circuler. Le béton était de mauvaise qualité, c'était un barrage low cost, diront-on aujourd'hui. Autrement dit, l'État et le département du Var, qui ont financé le barrage, n'ont pas mis assez d'argent. Les études du sol ont été réalisées à la va-vite. La période de pluie intense qu'a connue la région y est aussi peut-être pour quelque chose. Alors, les vannes ont-elles été ouvertes trop tard? Une autre théorie implique les travaux de l'autoroute de l'Estérel, la future A8 en aval du barrage. Sur son tracé, les ingénieurs ont utilisé des mines pour détruire la roche et y construire la chaussée. Les explosions et les ondes de choc auraient-elles affaibli le sous-sol? Débris courts, alors il faut vite étouffer les thèses les plus farfelues. L'enquête n'a pas encore donné ses premières constatations. Malgré l'émotion, le maire de Fréjus, André Léotard, étouffe les rumeurs. L'État constructeur du barrage n'est pas responsable. Je vais être très net là-dessus, mais très net dans la négative. Rien, rien pendant les jours qui ont précédé la catastrophe, on ne pouvait la laisser prévoir. Actuellement, il y a une commission d'enquête qui est saisie du problème, qui va examiner toutes les hypothèses possibles, qui formulera ses conclusions. Vous comprendrez que dans ces conditions, mon premier devoir soit de me taire. En clair, tout ce qui a précédé l'effondrement du barrage a été fait et bien fait. C'est une tragédie imprévisible, une catastrophe naturelle. Vraiment ? Car un homme attire tous les soupçons. Un homme bien seul à cette heure. Il s'appelle André Coine. C'est le concepteur du barrage. Oh, l'État ne l'a pas choisi au hasard. L'architecte aux petites lunettes noires affiche une brillante carrière. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, ce natif de Neuilly-sur-Seine est reconnu dans le monde entier. À son actif, une centaine de barrages en France et à l'étranger. En 1953, un an avant l'inauguration du barrage de Malpassé, il reçoit même le Grand Prix de l'architecture décerné par le ministère de la Culture pour l'ensemble de son œuvre. Alors, le génie français se serait-il trompé? Lui en est convaincu. Oui, il va même jusqu'à lâcher cette sentence lapidaire et il dit « Le responsable, c'est moi ». Son entourage le dit très affecté par l'effondrement de son ouvrage et il y a de quoi. Le bilan dépasse les 400 disparus, autant de morts qu'il porte sur sa conscience. Trop pour un seul homme, on avait trouvé le coupable idéal, il emportera ses secrets jusque dans sa tombe. Oui, car 8 mois après l'effondrement du barrage, André Coine meurt à l'âge de 69 ans d'un cancer. Il faudra trouver un autre responsable. Un homme est entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs. Il s'appelle Jacques Darjoux, ingénieur du génie rural. Ce haut fonctionnaire était responsable de la surveillance du barrage pendant et après les travaux. Toutes les études de la roche soutenant le barrage ont-elles été menées avec tout le professionnalisme nécessaire? Jacques Darjoux se dédouane. Il n'était qu'un simple exécutant des ordres du grand ponte, André Coine. En tout cas, après un mois d'enquête, le professeur Roubaud, géologue et membre de la commission d'experts, donne le ton des mois à venir. « Le coupable n'est pas un caprice de la nature », déclare-t-il. Soutenu par la population de Fréjus, il ajoute « Il n'y a pas eu d'études sérieuses et nous trouverons la vérité ». Yeah. Oui, les morts sont bien morts. Morts dans l'eau furieuse d'avoir été contenus et avides d'une liberté qui s'avéra tragiquement destructrice et pressée de tuer, puisqu'elle dévala du barrage à plus de 70 km/h, ramassée pour mieux frapper en une vague un mur de plus de 7 mètres de haut. Mais la vie continue. Le printemps reviendra. Et avec lui, les vivants retrouveront quand même les fleurs et les senteurs du plus beau pays du monde. Les enfants rejoueront sur les rives du Réran recréé, et la terre sera riche. Riche comme ces terres dont les Écritures nous parlent. Et le soleil mûrira les fruits sur l'arbre caressé par les brises parfumées de la Côte d'Azur. Les mots de ce journaliste qui se prend pour Victor Hugo donnent le ton. À Fréjus, après le cauchemar et les torrents de boue provoqués par l'effondrement du barrage de Malpassé, il faut penser à demain, même si l'on peine à savoir par où commencer. Une chose est certaine, il faudra de l'argent, beaucoup d'argent. Et pour cela, quoi de plus efficace que de faire jouer la fibre patriotique ? La presse, dans sa totalité, journaux régionaux, nationaux, radio et télé, lance collectivement une grande campagne de dons. L'opération se nomme SOS Fréjus. Les messages à destination des Français font les gros titres et saturent les antennes. Je demande en ce moment à tous ceux qui sont à l'écoute de prévoir dès cet instant la part de l'autre. Nous sommes à la veille de Noël. Chacun de nous a un budget de fête. Pauvre ou riche, nous l'avons. Qu'ils mettent de côté immédiatement la part du sinistré du Var. Les Français appellent au secours les Français. Vite, c'est plus grave que ça n'a jamais été. Je vous demande donc d'envoyer immédiatement, le plus vite possible, de l'argent pour apporter sur place ce qui est le plus urgent. La vague d'émotion est totale et dépasse les frontières françaises. En Allemagne, Frankfurter Allgemeine Zeitung titre « Catastrophe de la Riviera, plus de 300 morts ». Le Daily Mail anglais publie en une la photo de la zone sinistrée. Sous ce titre, c'était Fréjus. L'affaire traverse même l'Atlantique. Aux États-Unis, le New York Herald Tribune y consacre toute sa première page. Au Vatican, le pape Jean XXIII adresse un message de soutien au peuple de France. Le retentissement est énorme. À leur tour, les stars entrent en scène et jouent le jeu de la solidarité nationale. La chanteuse Marlène Dietrich, de passage à Paris, dédie son récital aux sinistrés. Les artistes français, originaires ou amoureux du Var, répondent également présents. Allô, je voudrais parler à Monsieur Fernandel, s'il vous plaît. C'est moi-même. Allô, Manosque. Oui. C'est Monsieur Jean Giono. Oui, même. Allô, socialiste, vous nous appelez de quelle ville ? Je vous appelle du Mans. Je suis au siège social du journal Le Maine. J'ai une urne devant moi dans laquelle les gens déposent leur argent. Oui. Et je pense que c'en est déjà sans doute plus de 70 000 ou 80 000 francs. Vous savez, Fernandel, que nous avons lancé un appel à tous les Français pour qu'ils viennent en aide aux sinistrés qui sont plusieurs milliers. Bien, bah écoutez, je m'inscris moi-même pour 100 000 francs que je vous adresserai dès ma rentrée à Paris pour les sinistrés de Fréjus. Jean Giono. En tout cas, il faudrait la solidarité dans ces choses comme ça est une chose tout à fait normale. Je vous remercie, Jean Giono. Voilà. Au revoir. Au revoir. La campagne est très efficace. Les dons affluent du monde entier. L'armée américaine et la Grande-Bretagne proposent des stocks de lits, des couvertures, de la nourriture. Le gouvernement belge fait un don de 25 millions de francs. L'Allemagne, 6 millions. La Tunisie, 2 millions. En Espagne, les footballeurs vedettes du Real Madrid jouent un match au profit des sinistrés. Les Français aussi mettent la main à la poche malgré les impôts qu'il faut payer avant le 15 décembre et malgré Noël qui approche. Il faut dire que les médias français emploient les grands moyens. Un exemple parmi d'autres. Paris Match n'envoie pas moins de 30 journalistes pour réaliser son numéro spécial. L'Aurore, Le Figaro, Paris Jour, France Soir, chaque quotidien s'appuie sur une dizaine de personnes sur place pour remplir ses colonnes. Le journalisme de catastrophe écrit une nouvelle page de son histoire. La presse écrite et la radio y sont plus ou moins habitués. La télé, en revanche, n'en est qu'à ses débuts. C'est l'une des premières fois qu'il faut porter un tel drame à l'écran. Et quelle première ! Les rédacteurs en chef comprennent bien le poids des images retransmises. Dans toute la France, on suit le drame en direct. On pleure avec les survivants, on se recueille avec eux. Pour l'émission emblématique créée au début de cette année 1959, 5 colonnes à la une, pionnière du reportage à la télé française, Fréjus est un terrain d'expérimentation idéal. Émouvoir le plus possible, toucher les Français au cœur, afin qu'ils participent à l'effort national. En 1959, force est de constater que la pudeur et la déontologie ne font pas encore débat. sous vos yeux un témoignage parmi tant d'autres. Une petite fille de 8 ans que François Barnol a rencontrée dans le quartier de la gare, sa petite camarade de jeu, est morte. Toi, Daniel, de ta petite camarade, il ne te reste plus que quelques photos. Oui. Comment s'appelait-elle, ta petite Daniel camarade? Daniel Cuenca. Elle habitait où? Là-haut. À 100 mètres de chez toi? Oui. Et qu'est-ce qui reste de la maison de ta petite amie? Rien. J'ai été hier matin, j'ai été voir, il ne restait plus rien, plus une trace. Et sa maman? Elle est morte. Et son papa? Il est fou. Non, ça ne choque personne qu'on interviewe une petite fille de 8 ans devant sa maison en ruine. Mieux, ça fonctionne. Le 5 décembre, trois jours après la catastrophe, plus d'un milliard et demi d'anciens francs ont déjà été récoltés, soit près de 25 millions d'euros aujourd'hui. Deux mois plus tard, la barre des 6 milliards est dépassée, soit près de 100 millions d'euros. À Fréjus, un comité local dirigé par le maire est créé afin de redistribuer tout cet argent équitablement. Dans le même temps, à Paris, le Parlement vote deux lois. Une première qui confirme que l'État participera financièrement au dédommagement et à la reconstruction de la ville. Une seconde qui donne au président de la République le pouvoir d'autoriser des mariages posthumes en cas de motif grave et non plus seulement en cas de guerre. Une loi toujours en vigueur aujourd'hui. Le général de Gaulle a eu vent du combat d'Irène Jobard, la veuve de Fréjus. Souvenez-vous, Irène Jobard, 18 ans. Elle devait se marier avec André Capra quelques jours après la catastrophe. Mais il a perdu la vie, emporté par les torrents de boue. La jeune femme s'est battue afin d'obtenir le droit de se marier avec lui, avec sa mémoire. Et à force de courage et de détermination, de lettres envoyées au procureur de la République, le pouvoir a fini par l'entendre. L'acte de mariage est signé par le général de Gaulle en personne. Quelques jours plus tard, Irène Jobard devient Irène Capra, symbole de la résilience du peuple varois face à la tragédie. Le 17 décembre 1959, deux semaines après la catastrophe et face à un tel engouement, le chef de l'État veut marquer le coup. Le général de Gaulle marche à Fréjus, aux côtés des sinistrés. Je veux dire simplement à toutes et à tous combien je suis touché, ému, impressionné par ce que j'ai vu et j'ai tenu à venir apporter mon sentiment à tous ceux qui ont souffert ici, qui sont dans la peine. Je dois dire, et vous tous l'avez senti, que c'est une belle chose, que l'élan de solidarité du pays tout entier en faveur des sinistrés de Fréjus. Ensuite, le reportage évolue, tout comme les témoignages des sinistrés. Le ciel se dégage, il n'est plus question d'une terre désolée, la reconstruction est bien en marche. L'enquête également a fait son chemin, mais aucune information ne filtre. Un an après le drame, les journalistes reviennent à Fréjus pour les commémorations. Le sentiment d'injustice plane au-dessus de la ville. Rappelons-le, il y a eu 423 morts, il n'y a toujours pas de coupable. Il faut respecter le temps long de l'enquête, rappelle André Léotard, le maire de Fréjus. Plus facile à dire qu'à faire pour les familles victimes. L'élu en a bien conscience, il faut des réponses, et vite. Il faut, je crois, apaiser tout ce malaise qui tient au fait que l'enquête est en cours depuis un an et que jusqu'ici, rien n'a transpiré officiellement des conclusions des experts. Je crois qu'il faut lever ces doutes, ces hésitations et ces perplexités. Le 10 février 1961, après deux ans d'investigation, le rapport des experts atterrit enfin sur le bureau du juge d'instruction. Dans ces 127 pages, il y a la réponse que tout le monde attend. Pourquoi le barrage s'est-il effondré? Le géologue Marcel Roubaud, membre de la commission d'enquête, prend la parole publiquement. Il est vraisemblable que c'est par le pied que le barrage a commencé, je m'excuse du mot, mais enfin il est compréhensible, par lâcher. Nous avons examiné les roches au laboratoire, des observations de David sur le terrain. Tout cela converge, le barrage de Malpassé avait été construit sur une roche dont les propriétés que l'on n'avait pas vues avant la construction de l'ouvrage étaient très médiocres. Ce n'est donc pas le barrage qui a cédé, non, c'est la roche sur laquelle il s'appuyait. De mauvaise qualité, elle a fini par se fracturer, puis par glisser. Le mur de béton ne l'a pas supporté et il a fini par se rompre. Bien, Et comment en est-on arrivé là? Sur cette question, la réponse des experts est très claire et même sans appel. Les études menées avant la construction n'ont pas été assez poussées. Après avoir étudié le document, la justice lance la procédure pénale. Le concepteur du barrage, André Coan, n'étant plus de ce monde, la responsabilité incombe à celui qui était en charge de la surveillance des travaux. L'ingénieur haut fonctionnaire Jacques Darjoux est donc inculpé. Il est poursuivi pour homicide et blessures involontaires. Simple exécutant du concepteur André Coan, il se présente comme un bouc émissaire et il compte bien se défendre. Peu de temps après sa mise en examen, il sollicite une contre-expertise. La justice accepte. De nouveaux experts sont nommés et se mettent au travail en 1962. Il leur faudra encore 2 ans pour réaliser leur enquête. Le procès ne s'ouvre que 5 ans après l'effondrement du barrage. Nous sommes alors le 21 octobre 1964. Jacques Darjoux se présente seul sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Draguignan. Les experts passent tous à la barre. Le premier groupe ne change pas de version. Les travaux de prospection du sol ont été insuffisants. La contre-expertise arrive aux mêmes conclusions. À un détail près, les connaissances techniques de l'époque ne permettaient pas de déceler la mauvaise qualité de la roche. En clair, l'erreur est bien humaine, mais Jacques Darjoux n'est pas responsable. Personne, pas même André Coan, le génie des barrages, n'aurait pu éviter la catastrophe de Malpassé. Le mot « imprévisible » revient à plusieurs reprises. Après une dizaine de jours de débat, le procès se termine. Le jugement tombe un mois plus tard. Les juges ont privilégié la deuxième version. Jacques Darjoux est blanchi. À la sortie du tribunal, soulagé, il prend la parole. Depuis 4 ans, j'ai subi un long calvaire, mais je ne le regrette pas maintenant, puisqu'il a permis de connaître la vérité sur les causes de la catastrophe de Malpassé. J'espérais, je peux même dire que j'attendais même cette relaxe, car je savais que rien n'était à reprocher à mon service. Il faut remercier les experts dont les travaux considérables permettront, il faut le souhaiter, d'éviter qu'une pareille catastrophe ne se reproduise à l'avenir. La catastrophe était donc imprévisible. À Fréjus, on crie à l'injustice. Le ministère public fait appel, mais 2 ans plus tard, la cour d'Aix-en-Provence confirme le jugement. Malgré de nombreux recours, l'affaire se termine devant le Conseil d'État. Le 28 mai 1971, plus de 12 ans après les faits, les derniers espoirs des victimes partent en fumée. Les magistrats referment le dossier. Jacques Darjoux est définitivement innocenté. Les proches des 423 morts n'ont donc plus personne à accuser, à part, peut-être, le destin qui a fait chavirer leur vie le soir du 2 décembre 1959. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'effondrement du barrage de Malpassé en 1959, avec notre invité Jean-Paul Vieux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez journaliste et vous aviez 22 ans à l'époque, donc tout jeune journaliste à Nice Matin, en poste au bureau de Fréjus, raison pour laquelle vous êtes retrouvé à couvrir cette catastrophe. Et vous êtes avec nous en duplex dans les studios de France Bleu Azur. Quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de ces journées? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais peut-être un souvenir plus fort que les autres, emblématique, symbolique. Permettez-moi de vous dire d'abord que le reportage que je viens d'entendre est en tout point conforme à ce que j'ai vécu et ressenti cette nuit d'apocalypse et les jours suivants. Je vous remercie de cette authenticité parce que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années qui ont suivi, on a entendu beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs ou de malentendus sur cette catastrophe dans le passé. Le souvenir que je garde de cette nuit épouvantable, c'est très confus. Comment vous dire? C'était difficile de savoir exactement ce qui se passait. Bien sûr, on avait compris que le barrage venait de se rompre, mais on ne pouvait pas accéder à la zone sinistrée, il n'y avait plus aucune lumière. J'étais sorti du lac chez mes parents, je venais d'avoir 22 ans, donc, et j'allais bientôt 80, mais les détails sont encore assez précis dans ma mémoire. Mes parents habitaient la maison la plus haute du village, et nous avions une vue panoramique depuis les îles de l'Hérens jusqu'au Cap Camara, au-delà de Saint-Tropez, sur toute la baie. Eh bien, il n'y avait plus une seule lumière, c'est la nuit noire la plus complète. Et le seul point lumineux que l'on pouvait retrouver, c'était le phare du Cap Camara, avec le clignotement intermittent de sa lanterne. Et c'est cette image que je garde, parce que c'était vraiment la nuit de l'enfer. Et vous avez senti, vous, des vibrations? Vous étiez en hauteur, me dites-vous, vous avez senti quelque chose? Alors, nous avions, comme tout le monde, regardé la télévision, et lorsque la lumière s'est éteinte, donc je me suis porté vers la baie vitrée pour regarder ce qui se passait, on n'y voyait rien, bien sûr, parce que tout était noir, et puis j'ai entendu un passant qui courait dans la rue, en disant « le barrage a cassé ». Et effectivement, on entendait un bruit très très sourd. Vous savez, j'avais vécu en 44 les bombardements américains sur Toulon, et j'ai eu le même bruit que lorsque les forteresses volantes venaient lâcher leurs bombes sur la ville. C'était un bruit très sourd, très profond, et c'était bien sûr l'eau qui roulait, ce désastre qui décapait la terre jusqu'à la roche, emportant les gens, les fermes, les animaux, les cultures, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez et donc, mon père est officier de police judiciaire. Nous sommes descendus dans la rue, j'ai pris ma voiture, nous sommes descendus aussi loin que l'on pouvait, et en arrivant au bas de la place Ricola, nous avons eu de l'eau, bien sûr, et puis un grand arbre avec une grande bâche blanche qui était probablement un vestige d'une serre, et des cris, beaucoup de cris qui venaient certainement de la rue et des environnantes, des maisons du quartier. Mais il était impossible d'avancer, je me suis mis à essayer de progresser dans l'avenue de Verdun, vers les Arènes. Je suis tombé dans un trou, j'avais de l'eau jusqu'à la taille, donc je ne suis pas allé plus loin, bien que nous ayons eu de la famille qui habitait dans le quartier. Et il a fallu attendre le petit matin, vers 6h, pour qu'à la lumière de l'aube, on puisse voir l'étendue du désastre. Et je peux vous dire que c'était un crève-cœur, parce que c'était le quartier des Arènes, c'était la surface de la Lune. C'était dévasté. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La veille, il y avait des usines, des maisons, des stations-service, une voie ferrée, une route nationale, des établissements industriels, et il n'y avait plus rien. C'était la surface de la Lune. C'était épouvantable. C'était un peu comme un tsunami, je veux dire par là, que ceux qui s'en sont sortis étaient ceux qui étaient ou habitaient sur les hauteurs, en fait, c'est ça? Alors, le gros du bourg à l'époque, bon, Fréjus était un village assez rural à l'époque, hein. Il y a aujourd'hui plus de 60 000 habitants, mais à l'époque, il n'y avait guère plus de 10 000. Mmh. Et c'était essentiellement les maisons groupées autour de la cathédrale, sur la hauteur de la colline. Et la vague a contourné le bas de la ville pour aller jusqu'à la mer. Et les sinistrés, les victimes, étaient essentiellement d'abord dans la vallée, dans la plaine du Réran et la vallée de l'Argent. Et il y avait là des fermes, des exploitations agricoles, avec des animaux, avec beaucoup de richesses agricoles. Mais vous savez, le problème, il est le suivant. À la fin de la guerre, le département du Var, qui était très éprouvé, était pauvre. Et toute cette idée de retenir de l'eau venait de loin. Fréjus, c'est une ville qui a toujours, comme les nations du littoral, souffert d'un manque d'eau récurrent. À tel point que les Romains qui ont construit la ville étaient allés chercher l'eau à Mons avec un aqueduc de 40 km de long, qui est, dont les vestiges existent encore, bien sûr. Absolument. Et donc, pour rendre au département la richesse qui avait été la sienne avant la guerre, il était convenu qu'il fallait relancer d'abord l'exploitation agricole et ensuite s'adapter à ce qu'on a commencé à entrevoir comme étant le tourisme de masse et donc apporter de l'eau aux stations du littoral, de Saint-Tropez jusqu'à Saint-Raphaël. Et l'argent manquait. Et on peut dire que tout a été fait à ce moment-là, à minima. Et avec le recul, on peut même constater que la rupture du barrage et le drame qui en a résulté étaient pratiquement inscrits dans la trajectoire funeste de cette réalisation. Là, il y a, oui, un vice de forme, quoi. Un vice de forme dès le début, parce qu'on a fait, on dirait aujourd'hui un barrage low cost, c'est ça, à bas prix. Oui, c'est pas tout à fait faux, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. D'abord, il n'y avait pas d'argent, ou très peu, très peu. Le gouvernement, le département était pauvre, et elle a saisi comme géologue le professeur Courroy. Le professeur Courroy, qui était géologue à la faculté de Marseille, n'était peut-être pas le spécialiste le plus qualifié pour étudier l'arrochement d'un barrage. D'autre part, il avait très peu de moyens. Je l'ai vu parcourir la secteur avec une petite martelette, prélever des échantillons de pierre, mais aucun forage profond n'a été réalisé, faute de moyens, pour connaître la structure de l'enrochement sous l'emplacement envisagé. Et on a constaté, après coup, bien sûr, que le sous-sol était fait de gneiss et de plateformes profondément fissurées qui était peu adapté à recevoir un barrage de cette nature. Il aurait fallu un barrage masse, et le barrage à voûte mince, c'était pas la garantie la meilleure. Ouais, donc on voit, mais on... je répète, le professeur Courroy a fait avec les moyens de l'époque, sa compétence de l'époque, et donc le vice de forme est là, à mon avis, à l'origine, c'est un enrochement insuffisant du barrage dans le sous-sol. Dans le sous-sol déjà lui-même suspect. Alors, ce drame, c'était, rappelons-le, il y a presque 60 ans maintenant. Est-ce que les habitants qui ont, on va dire, à partir de 65 ans, si tant est que les souvenirs commencent à venir à partir de 5 ans, est-ce que les habitants de Fréjus qui ont cet âge-là s'en souviennent, c'est sûr? Est-ce qu'ils en parlent encore? Alors, vous savez, les Fréjusiens ont beaucoup de pudeur. Et le barrage de Malpassé, à part le jour du 2 décembre où on se retrouve autour du monument du gisant, les Fréjusiens, c'est y penser toujours et n'en parler jamais. D'autant moins ceux qui ont vécu cette nuit d'apocalypse dont personne n'est sorti indemne. C'est-à-dire tous les Fréjusiens de l'époque ont vécu ce drame, ont perdu un parent, un proche, un ami, et la plaie ne s'est jamais refermée. Il y a eu bien sûr des indemnités. Vous savez, vous l'avez évoqué dans votre reportage, une vague gigantesque de solidarité s'est déversée sur Fréjus, en contrepoids de la tsunami du 2 décembre. Mais un mauvais plaisant a pu dire, même à cette époque, enfin, quelque peu de temps après, qu'on ne devait plus dire riche comme Fréjus, riche comme Crésus, mais riche comme Fréjus. C'est à la fois vrai et faux. Ces indemnités qui ont été parfaitement gérées par M. André Léotard, qui était gestionnaire unique de fonds de sinistrés à l'époque par décision du Conseil des ministres, ces indemnités, elles ont fait à la fois le bonheur et le malheur de certaines personnes. Parce que, comme dans la plupart des cas, il ne restait plus rien, oui, des biens personnels emportés par la vague, les déclarations des sinistres ont été faites sur la bonne foi. Oui. Et je vous passe les détails sur les distorsions qu'il peut y avoir. Bien quand sûr. On fait une déclaration du sinistre, il n'y en a plus aucune preuve entre ceux qui ont fait des déclarations de bonne foi et ceux qui ont abusé de façon parfois outrancière et sans pouvoir amener un contrôle sérieux sur la perte, l'estimation de leurs dommages et de leurs biens. Voilà. Donc il y a eu des indemnités correctes, d'autres beaucoup moins, et ça n'a pas contribué à engendrer un climat de grande solidarité entre certaines familles de sinistrés. Mais bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, les deux générations sont passées. Aujourd'hui, ah oui, enfin, les Fréjusiens... Hein. Ça existait quand même, hein. Je veux dire, vous dites c'est l'histoire ancienne, mais elle a existé, donc il faut l'assumer ah aussi. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire par là que les acteurs de l'époque, beaucoup ont disparu, malheureusement, une génération, deux générations après, bon, c'est un peu comme l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, hein. On en parle, certains qui en parlent sont pas forcément les plus qualifiés ou les plus autorisés à évoquer ce drame qu'ils ont connu par le oui-dire, leurs parents ou leurs grands-parents. Et aujourd'hui, la page est tournée. Fréjus est une ville moderne, bien équipée, qui a su se tourner résolument vers le 21e siècle avec des aménagements importants. Et donc, le drame, il est au fond de chaque individu, voilà. Alors, on le voit bien aujourd'hui, hein, au moindre petit doute, on évacue toute une zone pour éviter un tel drame. Regardez, il y a une semaine, hein, aux États-Unis, en Californie, 200 000 personnes ont été évacuées en urgence près du barrage d'Oroville par crainte d'un effondrement. Alors, bien sûr, c'était pas les méthodes à cette époque-là. J'imagine qu'on peut le regretter. Donc, cette catastrophe aurait pu être évité. En tout cas, le bilan aurait pu être évité parce que la catastrophe, on en a vu les causes et c'était difficile, effectivement, d'éviter. Ben, l'élément majeur, c'est que le gardien du barrage, M. Jean Ferrault, avait en tout et pour tout un téléphone à sa disposition pour alerter le Conseil général. Et donc, s'il avait eu un moyen d'alarme efficace et général, peut-être aurait-on pu, par un signal, une sirène, donner l'alarme en aval du barrage. Mais ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Voilà. Jean-Paul Vieux, je voudrais maintenant revenir avec vous sur une thèse alors tout à fait étonnante, celle d'un attentat du FLN, donc le Front de Libération Nationale. Alors, c'est assez incroyable parce qu'au moment des faits, en 1959 et dans les années qui ont suivi, eh bien, à aucun moment cette possibilité n'a été évoquée, même dans les rumeurs les plus farfelues. Mais en 2013, la chaîne de télé Arte diffusait un documentaire sur les relations entre les services secrets français et ceux d'Allemagne de l'Ouest dans l'après-guerre. Alors, vous allez me dire, rien à voir avec Malpassé. Non, pourtant, en plein milieu de ce reportage, stupéfaction, et nous avons sélectionné un extrait de ce reportage où un historien allemand fait la déclaration suivante. Écoutez. En décembre 1959, un barrage cède lors d'une tempête. L'eau qui déferle sur la ville coûtera la vie à 412 personnes. Aujourd'hui encore, il s'agit officiellement d'un accident. En réalité, ce sont des terroristes du FLN qui ont fait sauter le barrage. Les services de renseignement allemands savaient précisément où et quand cet attentat aurait lieu. Mais ils n'ont pas prévenu leurs homologues français. Aujourd'hui encore, on ignore pourquoi les services secrets allemands ont gardé l'information pour eux, provoquant des centaines de victimes. Voilà. Et après, plus rien dans le documentaire sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul Vieux, de cette thèse ? Ben, écoutez, je connais ce reportage qui est paru sur Arte, puisque cette longue marche vers l'Elysée a soulevé beaucoup d'émotions à Fréjus, pour ceux qui l'ont entendu en tout cas, et je suis heureux que vous me donniez la possibilité d'y répondre. Tout à l'heure, vous avez fait parler M. Jean Ferrault, le gardien du barrage, qui a dit à la commission d'enquête « J'ai senti le sol trembler sous mes pieds, comme un séisme. » Il n'a pas parlé d'une explosion. Oui. Autre chose. Dans le barrage de Malpassé, autour du 2 décembre 1959, on était en train de construire à quelques centaines de mètres en aval le pont de l'autoroute. Il y avait jour et nuit des dizaines de personnes qui travaillaient sur ce chantier. Ils n'ont jamais signalé la moindre personne étrangère au site. D'autre part, pour faire sauter un barrage, on ne fait pas ça avec un pétard et une boîte d'allumettes. Hein. Il faut le préparer à l'avance et y amener du matériel. Jean Ferrault, qui passait deux fois par jour sur le barrage, n'a jamais rien remarqué d'anormal ni de quelque présence insolite sur le site. Non, je pense que... Vous savez, les services secrets allemands étaient à l'époque en guerre avec la Main Rouge, qui était une faction française de l'OAS, qui avait fait sauter dans le port de Hambourg un bateau qui était chargé d'armes et de munitions à destination du FLN algérien. Et les services secrets allemands, de l'Allemagne de l'Est en tout cas, n'ont jamais digéré cette explosion dans leur port. Et ils ont certainement, à mon avis, manipulé un certain nombre de gens, parce qu'ils étaient spécialistes de la chose, pour faire croire que l'explosion était due à un attentat du FLN. D'autre part, le FLN algérien n'était pas contrarié de laisser croire qu'il était assez puissant pour réaliser une explosion emportant... Bien sûr. 323 personnes. Non, c'est une blague tout à fait immonde et il faut la balayer d'un revers de main parce qu'elle ne repose sur rien de crédible et rien de fiable in situ en tout cas. Je voudrais également aborder, vous avez fait allusion tout à l'heure, l'explosion due aux préparatifs de l'enrochement du barrage, de l'autoroute de l'Estérel, pardon, en proximité du barrage. C'est également une légende. Moi, j'ai vu les explosions quand l'autoroute a été construite. Il s'agissait de petites charges. Il ne s'agissait pas de faire s'effondrer des montagnes entières. C'était des petites entailles à flanc de colline sur le parcours de l'autoroute, dans la montée du barrage du Réran. Et c'était suffisamment loin, suffisamment détaché du contexte géologique pour que ces petits pétardages très localisés n'aient pas d'influence significative sur le comportement de la voûte elle-même. Par contre, ce qui n'a pas été dit et que moi j'ai vu sur place, c'est que quelques jours avant la catastrophe de Malpassé, on avait constaté en aval du barrage, sur la rive gauche, un suintement d'eau qui jaillissait dans le maquis. Et certaines personnes ont dit « Oh, il s'agit certainement de résurgence d'une source ou des conséquences de la pluie ». Moi, je pense que peut-être l'eau commençait à s'infiltrer sous le barrage. Parce que le barrage, il n'a pas explosé, comme vous le dites. Il s'est ouvert comme une porte. C'est-à-dire que l'enrochement sur les deux berges était solide, mais c'est les gonds étaient solides, mais c'est la porte qui ne l'était pas. Et le barrage s'est ouvert comme une porte. Alors, en tout cas, pour ce qui concerne la thèse du FLN, hein, en 2013, ce document a provoqué un certain effet, évidemment, il y a eu beaucoup de réactions, et la directrice d'Arte, Véronique Keila, a été contrainte d'y répondre. Alors, elle a promis de nouvelles investigations pour vérifier les sources, les archives, et elle dit que si cette thèse du FLN était confirmée, Arte consacrerait un nouveau documentaire, alors entièrement sur la question, ben, voilà, depuis rien de neuf. On va bientôt se quitter, Jean-Paul Vieux, mais qu'on parle dans André Léotard, donc le maire de Fréjus. Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Son fils, François, a toujours motivé son engagement en politique pour laver l'honneur de son père, dit-il. Mais enfin, dans le récit, moi, je ne vois pas André Léotard inquiété. Donc, je ne comprends pas ce décalage. Non, les problèmes qui ont été portés à M. André Léotard, qui était un parfait honnête homme et dont la gestion du fonds des Malpassés était d'une rectitude absolue. D'ailleurs, il a reçu quitus de sa gestion quand il a rendu les comptes au gouvernement, sont dus au fait, comme je vous l'ai dit, que les indemnisations ont été faites sur la déclaration de bonne foi ou de mauvaise foi des victimes. Mmh. Et bien entendu, ces indemnités très inégales ont donné lieu à des rancœurs, et bien entendu à la rancœur individuelle est devenue politique, et André Léotard a été attaqué, non pas sur sa gestion elle-même, mais sur l'ensemble de la catastrophe de Malpassé dont il n'était en rien responsable, et François Léotard, qui avait beaucoup souffert des gens qui avaient... Moi, j'ai vu M. André Léotard sortir de la mairie de Fréjus sous les crachats, monsieur, alors que c'était parfaitement indigne. Mmh. Eh bien, François Léotard a fait la promesse à sa mère, Antoinette Léotard Tomasi, qui était corse, hein, Colomba, de venger l'honneur de son père et de le restaurer. Et donc, il a mis un point d'honneur à reprendre la mairie de Fréjus et à gérer la ville pendant plusieurs 15 ou 20 ans, je ne me souviens plus exactement, de façon parfaitement rigoureuse et remarquable. Et il faut rendre hommage à l'ensemble de la famille Léotard, qui a eu un comportement en tout point exemplaire du début à la fin de cette catastrophe et de sa gestion. Et André Léotard est mort en 1975. André Léotard est mort d'une crise cardiaque dans le train entre Paris et Fréjus. Bien, merci infiniment Jean-Paul Vieux, merci pour votre témoignage et la précision surtout de vos témoignages. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'effondrement du barrage de Malpassé, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera vendredi, ce sera donc la fiction et elle sera consacrée à Hergé, le père de Tintin.